Thank you. Ça te plaît, cette merdouille? C'est la première fois que j'essaye ce truc pour jammer. En fait, c'est sur ma ligne Japon, Deep Purple, c'est The Mule. Ah bah oui, ça joue majeur et ça joue différent, quoi. Moi, j'aime bien.